Chapitre 2. L'aubépine et le sécateur. Voyant un jour ses enfants et ses petits-enfants s'étendre autour d'elle en jets aventureux, une aubépine leur tint ce langage. « Croyez-moi, mes chers enfants, ne dépassez pas les limites de la haie natale, ne vous avancez pas, ainsi que vous le faites sur le bord du chemin, ne vous hasardez pas au milieu des arbres voisins, prenez garde, autrement le sécateur vous croquera. » « Qu'est-ce que le sécateur ? » s'écrièrent à la fois les jeunes aubépines. « Demandez à votre mère, ma fille aînée, » répondit l'aïeul. Un jour qu'elle était bien petite, qu'elle fleurissait à peine, je lui avais permis de se balancer sur les bords du ravin. Il venait de pleuvoir, et je me séchais au soleil lorsque j'entendis des bruissements de frayeur. Je tournai la tête, et je vis le sécateur qui menaçait votre mère. J'eus à peine le temps de m'élancer, de la prendre dans mes bras, et de l'arracher aux dents du monstre qui déjà ouvrait une gueule menaçante. Il passa si près de nous que je sentis presque le froid de sa morsure. J'entendis le cri strident qu'il poussa en fermant sa mâchoire. Heureusement, nous étions à l'abri. Les petites aubépines frissonnèrent de terreur et se serrèrent les unes contre les autres. « Mère, dirent-elles, apprends-nous comment est fait le sécateur, afin que nous puissions l'éviter quand nous serons grandes. »« C'est surtout alors, mes enfants, reprit l'aïeul, qu'il deviendra dangereux pour vous. Le sécateur, quoiqu'il soit un peu ogre de sa nature, n'aime pas la chair jeune. Il choisit les branches qui dépassent les autres en vigueur et en santé, et en fait sa pâture. Le sécateur, mes enfants, n'a que deux jambes et une gueule. Ses lèvres minces sont effilées, tranchantes comme le fer. Il n'obéit qu'à un maître encore plus cruel que lui. Ce maître s'appelle l'horticulteur. L'horticulteur, mes enfants, est l'ennemi juré des pauvres plantes et des malheureux arbustes. Les arbres même n'échappent pas à sa férocité. Ils rêvent sans cesse quelle nouvelle torture il pourra leur infliger. J'ai vu des abricotiers qu'il clouait, les bras en croix contre un mur exposé tout le jour au soleil. D'autres fois, c'est un cerisier et un prunier qu'il ampute. Puis, par une amère dérision, il hante le bras de l'un sur l'épaule de l'autre. L'if et le buis sont ses victimes ordinaires. Il les force à marcher sur la tête, à ramper en cerceau, à prendre les poses les plus bizarres, les plus difficiles, les plus contre nature. S'ils ont l'air de rechigner et de vouloir revenir à leur posture naturelle, vite, il appelle le sécateur pour les mettre à la raison. Méfiez-vous de l'horticulteur, mes enfants. Son air est doux, sa physionomie tranquille. Il porte ordinairement une casquette grise, une redingote marron et des lunettes. Il se promène dans les champs, les mains dans ses poches et la bouche souriante. Son abord inspire la confiance. Il s'approche de vous doucement, il vous regarde d'un air paternel. Il semble prendre plaisir à voir vos branches luxuriantes se mêler, se joindre, s'embrasser les unes les autres. Malheur à celle qu'il caresse de la main. Le sécateur est là, derrière lui. C'est le signal qui lui indique qu'il peut s'élancer sur sa proie. N'imitez pas ces plantes et ces arbustes qui ont voulu mener la vie luxueuse des jardins. La tyrannie impitoyable de l'horticulteur leur fait expier leur folle ambition. Restez au champ, mes enfants, restez solitaires et cachés si vous voulez éviter le sécateur. Ces conseils de la vieille mère, ses enfants les ont suivis. L'aubépine est, grâce au ciel, un des rares arbustes sur lesquels ne se sont point appesantis la main de l'horticulteur. Dieu protège l'aubépine.